Puis hier matin, mais c'est encore les histoires de voies réservées qui ont fait jaser. Puis là, j'ai l'impression qu'on mélange deux dossiers. On mélange les oiseaux qui ont décidé de faire des fingers aux chauffeurs d'un voie réservée sur Robert Bourassa, puis l'histoire de la voie réservée sur Henri IV. On va revenir là-dessus ce matin. Là, on va avoir un invité tantôt. Là, on a une façon. Là, on a trouvé une façon. Là, c'est Rich qui a eu pas mal l'idée de ça. Puis je trouvais que c'était une bonne idée. Là, on va trouver autre chose pour faire comprendre au gouvernement. Ça se passe ce matin. Là. On va trouver autre chose tantôt pour faire comprendre au gouvernement du Québec que une voie réservée sur Henri IV, on veut rien savoir. Rien savoir de ça, OK? On va trouver une façon beaucoup plus intelligente et plus brillante que de faire des fingers et de couper le chemin aux autobus là, du RTC sur Robert Bourassa. Là. C'est peut-être pas le moyen parfait qu'on a trouvé, là, mais on a trouvé une solution pour être un petit peu plus productif là-dessus. Là. Puis là, hier, au Parti québécois, on a tenté de calmer un peu les esprits en parlant des voies réservées et en disant qu'il y avait une étude plus large qui serait faite sur le covoiturage, sur une éventuelle voie réservée sur Henri IV, mais aussi sur Robert Bourassa, la voie qui est actuellement présente. On va regarder si éventuellement on va l'ouvrir au covoiturage. Ça fait des années qu'on en parle. Je peux pas croire qu'on n'ait pas profité des travaux pour faire l'étude en question puis pas le mettre en place au même moment où on l'ouvrait la semaine dernière. Puis à l'Assemblée nationale, c'est l'opposition, encore une fois, qui depuis quelques jours parle pour les citoyens de la région de Québec en disant « on est contre les voies réservées ». J'ai trouvé le ministre Godreau drôle et arrogant à la fois hier matin. C'est un commentaire tellement prétentieux là, qu'il a fait hier à l'Assemblée nationale. Hein? Méprisant pour les gens de Québec. C'est méprisant pour les payeurs de taxes de Québec, ce que Sylvain Godreau a fait hier à l'Assemblée nationale. Rich, roule-nous ça. Là. Ça se passe au Salon Bleu hier à l'Assemblée nationale hier matin. Alors, je pense qu'aujourd'hui, là, ce que j'aimerais entendre, moi, de la part du député de Louis Hébert, mais aussi de la part du député de La Pelletrie, au lieu de jouer au chroniqueur de Radio X, là, c'est de jouer son rôle. Oui, j'allais dire, M. le Président, qu'au lieu de jouer au chroniqueur de Radio X, il serait mieux de jouer son rôle de député. Fais attention. Je suis pas sûr. S'il vous plaît, j'invite tout le monde à se respecter les uns les autres. Monsieur le ministre, faites attention. Moi, là, un ministre qui se lève en chambre pour, je sais pas, moi, par exemple, un ministre qui déciderait de me ridiculiser. M'en sac comme dans la carrière, j'en ai rien à foutre. Mais quand tu ridiculises Radio X comme ça, à l'Assemblée nationale, là, ce que tu fais, là, puis regarde, les chiffres le prouvent un matin, il y a 311 000 personnes à Québec qui écoutent Radio X. C'est presque une personne sur deux à Québec qui écoute Radio X, OK, là? Ce que tu fais quand tu fais ça, c'est que tu ridiculises le monde. Les gens qui paient ton salaire, les gens qui paient des taxes et des impôts. Parler de Radio X, regarde, on a quoi de dur, là? Je pense qu'on en a vu d'autres, là, se faire critiquer, là, regarde. Pis mais de ridiculiser le payeur de taxes, là, ça, c'est méprisant à tabarouette, là. Parce que le message qu'on porte sur la fameuse voie réservée potentielle sur Henri IV, là, c'est pas nous autres qui l'avons inventée. Mais non, c'est des auditeurs qui nous ont contactés de la même manière que des citoyens, que des électeurs ont contacté leur député pour leur dire que ça fait pas leur affaire. Mais c'est parce qu'eux autres, ils pensent, dans leur tête, là, de grands génies, là, ce qu'ils pensent, là, c'est que c'est nous autres qui dit quoi penser au monde. Ah, c'est ça. On se fait des meetings puis on dit vers quoi on veut les amener. Faut-tu te déconnecter de penser ça, là? De penser c'est nous autres qui dictent aux gens quoi penser. C'est le contraire, moi, la réalité. Ça prouve que c'est peut-être ça qu'eux essayent de faire. Wow, oui. S'ils pensent que ça existe, c'est peut-être une méthodologie qu'ils empruntent. Oui, eux autres, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Tu comprends, là? Oh, oui. Godreau fait dire que c'est pas toi qui paye son salaire, c'est le ministère des Transports. Ah, merci Rich. Merci de la précision. Mais ça a pas été une bonne semaine là pour le ministre Godreau là. On s'entend-tu là? Non. Fait que quelqu'un y parle là, Sylvain Godreau, pour dire, regarde, t'es en train de l'échapper solide là. Mais je pense que le PQ a fait une croix sur la région de Québec. Puis tu sais ce qu'ils comprennent pas là, c'est que la réalité c'est que moi regarde, le matin, je suis même pas dans l'heure de pointe, j'ai tué assis dans un studio ici là. Ce que je fais, par contre, ce qu'on fait ici le matin, c'est qu'on lit vos courriels, on essaie de vous écouter quand vous nous appelez aussi, et on écoute, puis après ça, on essaie on essaie un peu de porter votre message c'est auprès ça. Du gouvernement. Alors qu'eux autres, ils pensent que vous êtes pas assez brillants pour avoir vos propres opinions. Ils vous prennent pour des imbéciles, parce que ce que ces gens-là pensent, ce que le PQ pense, c'est que nous autres, on dit quelque chose, puis là, on s'en va jouer dans vos têtes, comme si vous étiez pas assez intelligents pour avoir vos propres opinions. La réalité, c'est que moi puis Denis puis le monde ici, c'est nous autres là qui sommes, qui sommes un peu influencés par vos opinions. C'est ça la réalité, là. C'est pas l'inverse. Hey, c'est-tu dur à gérer une région qui a à cœur ses propres intérêts? C'est-tu dur à gérer une région où les électeurs sont intéressés par ce qui se passe puis veulent leur mot à dire? Ils sont habitués à Montréal, là. Ils sont habitués à gérer Montréal. Ouais. Où tout le monde est un peu zombie, là, dans le char le matin, dans le trafic, puis ils gobent n'importe quoi, les voies réservées, puis ils n'importe quoi, là. Mais on est pas à Montréal, ici, là. On est pas à Montréal. Tellement contradictoire. Ça se paye des études pour recueillir l'opinion de 1000 personnes. Ouais. Puis des comités. Tout payé à même vos taxes. Et le site Radio X, c'est gratis. Puis t'as à moitié de la ville, au moins, t'as l'opinion de ce qui se passe. Tu sais, dans le marché de Québec. Puis ça ne coûte rien, là. D'eux aussi. On ne demande pas d'être chroniqueur à Radio X, juste de l'écouter. Écouter les gens, ce qu'ils veulent. Ça se passe pas mal ici. Venez lire les emails un matin de temps pour le fun. C'est gratis. Mais ça, c'est vrai. Ils devraient venir ici un matin, là. On devrait leur montrer, entre autres, les emails qu'on a reçus cette semaine pendant l'entrevue avec Agnès Maltais et ceux qu'on a reçus, puis ce que j'ai reçu aussi concernant l'entrevue avec Sylvain Godreau. On pourrait faire un... On peut-tu remettre un mémoire, tu penses? Ouais, ça leur ferait du bien, des fois. Ça leur ferait du bien de se faire remettre ces commentaires-là. Ils verraient que... Que c'est argumenté, en plus ils sont de ça. Sont assez déconnectés de la réalité, là. Dernière vidéo, oui. On n'a pas de stade de 300 000 personnes où est-ce qu'on peut regrouper tout le monde. Non, ouais. Puis leur demander un micro, un à un, ce que vous pensez. Non, c'est ça. Puis une manif à 300 000 personnes, à 311 000 personnes, précisément. Ouais. Ça s'organise pas, puis je veux pas en faire nécessairement, là, tu sais. Et si tout est fait de façon cordiale, au lieu de chier sur Radio X, là, vous devriez peut-être l'écouter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Écoutez un peu ce que le monde a à dire, là. Ça vous ferait peut-être du bien, les péquistes. Terminer en parlant de la rencontre qui...